la joie. Nasreddin retourne dans son village et l'air tout joyeux, il raconte à ses amis. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis heureux. J'ai perdu mon âne. Ses amis ont du mal à le comprendre. Nasreddin, est-ce que tu vas bien? Tu nous dis que tu as perdu ton seul et unique âne et tu t'en réjouis? Oh, bien sûr! Imaginez un instant, si j'avais été sur l'âne, j'aurais été perdue avec lui.